Ça va pas du tout. Salut Titi, ça va pas du tout te plaire. Et c'est un truc que j'aime bien. Parce que moi, tu sais que je suis très pop. Hein. Ça va pas te plaire, mais je suis désolé. Silhouette androgyne, les hanches qui dessinent. La courbe, elle est divine. Des dessous qu'on devine. La fille, elle s'appelle Corinne. Mais c'est pas Corinne, c'est pas du tout Corinne de téléphone. C'est pas du tout ça. Ouais, c'est normal. Je vais vous la faire vite fait, c'est la première fois que je le fais. Attends, faut que je trouve le départ. Salut MRZ, le roi du synthé. Mais Titi, tu vas pas aimer. Hein. C'est du synthé. Silhouette androgyne, les anges qui... Les anges, c'est dur à dire. 1, 2... Silhouette androgyne, les hanches qui dessinent. La courbe elle est divine, des dessous qu'on devine. Et toute seule dans le noir, tu marches tard le soir. Les lumières bleues du bar éclairent des trottoirs. Les ombres qui glissent dans le noir. Danse, danse, danse. Les loups, elles rêvent d'une autre histoire. Danse, danse, danse. Un baiser sur la joue, des caresses dans le cou. Alors tu fais l'amour et c'est le garde à vous. La folie de ton jeu, elle se lit dans tes yeux. Pas besoin d'être deux pour allumer ton feu. Les ombres qui glissent dans le noir. Danse, danse, danse. Les loups, elles rêvent d'une autre histoire. Danse, danse, danse. Une dentelle coquine à l'allure féminine. Les regards s'illuminent. Tous les cœurs tambourines. Allez Mister Z. Le refrain c'est les ombres glissent dans le noir. Danse, danse, danse. Vous savez quoi, comme elle est belle, Corinne. Qui décide la courbe. Il y a un saxophoniste. Attends, attends, tu vas venir après. Tu feras un solo. Je te laisse faire tout l'après. Putain, mais t'es fort en plus. Attends, on va la refaire. Attention. Are you ready? Silhouette androgyne, les hanches qui dessinent. La courbe elle est divine, des dessous qu'on devine. Et toute seule dans le noir, tu marches tard le soir. Les lumières bleues du bar éclairent les trottoirs. Les ombres glissent dans le noir. Danse, danse, danse. Les loups, elles rêvent d'une autre histoire. Danse, danse, danse. Corinne. Corinne, je t'aime. Tu es si belle avec ta chevelure blonde. Voilà, c'était Corinne. Vous connaissez pas là? Alors maintenant, à toi de faire un solo pour faire plaisir à ta femme.